Chapitre 3e. Pendant que les événements précédents se passaient sur le boulevard et un peu avant que la demie de 7 heures eût sonné, une autre scène avait lieu dans l'intérieur du jardin du couvent. Sœur Prudence, la supérieure, et Dolorès Lacedo se promenaient dans le jardin malgré l'heure assez avancée de la soirée. Dolorès, fort brune et d'une figure charmante, réunissait en elle les rares et piquantes perfections de la beauté espagnole. Cheveux d'un noir bleu, qui dénoués traînaient à terre, teint mat et doré par le soleil du midi, grands yeux tour à tour pleins de feu ou de langueur humide, petite bouche aussi rouge qu'un bouton de fleur de grenadier trempé de rosée, taille fine et voluptueusement cambrée, mains effilées, jambes et pieds andalous, c'est tout dire. Quant au saléro de sa tournure et de sa démarche, pour s'en faire une idée, il faudrait avoir vu onduler les basquines des belles seigneuras de Séville ou de Cadix lorsque, jouant de la prunelle et de l'éventail, elles se promènent lentement, par un beau soir d'été, sur les carreaux de marbre des Alamedas. Dolorès accompagnait donc sœur Prudence. Tout en marchant et en causant, les deux femmes s'étaient approchées de la muraille derrière laquelle le capitaine Horace et son matelot s'étaient d'abord arrêtés. « Vous le voyez, ma chère fille, disait la supérieure à Dolorès, je vous accorde tout ce que vous désirez, et quoique la règle de la maison interdise les promenades dans le jardin après la nuit tombée, j'ai consenti à ce que nous restions ici jusqu'à 7h30, heure du souper qui va bientôt sonner. Je vous remercie, madame, dit Dolorès avec un léger accent espagnol et d'une voix délicieusement timbrée. Je le sens, cette promenade me fera du bien. « Il faut m'appeler ma mère et non pas madame, ma chère fille, et je vous l'ai déjà dit, c'est l'usage ici. »« Je m'y conformerai si je puis, madame. »« Encore ?»« Il me sera difficile d'appeler ma mère, » dit Dolorès avec un soupir, « une personne qui n'est pas ma mère. »« Je suis votre mère spirituelle, ma chère fille, votre mère en Dieu, comme vous êtes, comme vous serez, ma fille en Dieu. »« Car vous ne nous quitterez plus, vous renoncerez aux joies trompeuses d'un monde pervers et corrompu. » Vous aurez ici un céleste avant-goût de la paix éternelle. Je commence à m'en apercevoir, madame. Vous vivrez dans la prière, le silence et le recueillement. Je n'ai pas d'autre désir, madame. Bien, bien, ma chère fille, car après tout, que sacrifierez-vous? Oh, rien, absolument rien. J'aime cette réponse, ma fille. En effet, ce n'est rien, moins que rien, ces passions mondaines et mauvaises, qui ne nous cause que des tourments et nous jette dans une voie de perdition. Juste ciel, cela fait frémir rien que d'y songer, madame. Le Seigneur vous inspire en me répondant ainsi, ma chère fille, et je suis sûr que maintenant vous concevez à peine comment vous aviez pu aimer ce capitaine mécréant. C'est vrai, madame. J'avais été assez insensé pour rêver le bonheur et les joies de la famille, assez criminel pour espérer de trouver cette félicité dans un amour partagé et devenir, comme tant d'autres, une épouse dévouée, une tendre mère. C'était, m'avez-vous dit, offenser le ciel. Je me repens de mes vœux impies, j'en comprends tout l'odieux. Il faut me pardonner, madame, d'avoir été scélérate et folle à ce point. Il ne faut rien exagérer, ma chère fille, dit sœur Prudence, frappé de l'accent légèrement ironique avec lequel Dolorès avait prononcé ses dernières paroles. « Mais, ajouta-t-elle, en remarquant la direction que prenait la jeune fille, à quoi bon retourner encore dans cette allée? Voici bientôt l'heure du souper. Venez, ma chère fille, regagnons la maison. Oh, madame, ne sentez-vous pas cette odeur si douce du côté de ce bosquet? Ce sont, en effet, quelques touffes de réséda. Mais venez, il fait très frais. Je n'ai pas vos 16 ans, moi, ma chère fille, et je crains de m'enrhumer. » « Un moment de grâce, que je cueille quelques-unes de ces fleurs. »« Allons, il faut faire tout ce que vous voulez, ma chère fille. »« Tenez, la nuit est assez claire pour que vous voyiez là 10 pas ces réséda. »« Allez en cueillir quelques brins et revenez. » Dolorès, quittant le bras de la supérieure, se dirigea rapidement vers la touffe de fleurs. À ce moment, 7h30 sonnèrent. « 7h30 ? » murmura Dolorès en tressaillant et en prêtant l'oreille. « Il est là, il va venir. » « Ma chère fille, voici l'heure du souper, » dit la supérieure en s'avançant au-devant de la nièce du chanoine. « Tenez, entendez-vous la cloche? Vite, vite, venez! Il nous faut au moins 10 minutes pour regagner la maison, car nous sommes au fond du jardin. »« Me voici, madame, » reprit la jeune fille en accourant au-devant de la supérieure, qui lui dit doucereusement. « Oh, la petite folle, elle court comme une biche effarée. Soudain, Dolorès jeta un cri aigu et tomba sur les deux genoux. « Grand Dieu !» dit vivement Sœur Prudence en se précipitant vers elle. « Qu'avez-vous, chère fille? Pourquoi ce cri? Pourquoi vous agenouillez ainsi ?»« Ah, madame! Mais qu'est-ce donc? Quelle douleur! Où cela? Aux pieds, madame! Je me serais donné une entorse! Oh, que je souffre! Mon Dieu, que je souffre !»« Tâchez de vous relever, ma chère fille !» dit la supérieure en s'approchant de Dolorès avec une vague défiance, car cette entorse lui paraissait singulière. « Voici mon bras. Appuyez-vous sur moi, venez. »« Oh, impossible, madame, je ne saurais faire un mouvement. »« Mais essayez, du moins. Je le veux bien. » Et la jeune fille fit mine de vouloir se tenir debout, mais elle retomba à genoux en poussant un cri aigu qui dut s'entendre de l'autre côté de la muraille du jardin. Puis Dolorès reprit en gémissant. « Vous le voyez, madame, il m'est impossible de bouger. Je vous en prie. » Retourner à la maison, dire que l'on vienne me chercher avec une chaise ou une litière. Oh, que je souffre, mon Dieu, que je souffre. Par pitié, madame, retournez vite à la maison, c'est si loin, je ne pourrai jamais me traîner jusque-là. Mademoiselle, s'écria la supérieure, je ne suis pas votre dupe. Vous n'avez pas plus d'entorse que moi, c'est un abominable mensonge. Vous voulez, pour je ne sais quelle raison, m'éloigner et rester seule au jardin. Ah, vous me faites bien repentir de ma condescendance. Le bruit léger de quelques cailloux tombant à travers les branchages des arbres attira l'attention de la supérieure et de Dolorès. Alors celle-ci, légère et radieuse, se releva d'un bond en s'écriant « Le voilà !»« Et de qui parlez-vous, malheureuse ?»« Du capitaine Horace, madame, » dit Dolorès en faisant une demi-révérence moqueuse. « Il vient m'enlever. »« Quelle audace ! Vous croyez que, malgré moi, nous sommes au fond du jardin, madame. Criez, appelez, on ne vous entendra pas. » « Oh, l'horrible trahison !» s'écria la supérieure. « Mais c'est impossible. Les hommes de ronde n'ont pas dû quitter le boulevard depuis la nuit tombée. »« Horatio !» cria Dolorès, d'une voix claire et argentine. « Mon Horatio !»« Effronté !» s'écria Sœur Prudence, désespérée, en faisant quelques pas précipités pour saisir Dolorès par le bras. Mais l'Espagnol, leste comme une gazelle, fut en deux bonds hors de la portée de Sœur Prudence, dont les membres roidis par l'âge se refusaient à tout exercice gymnastique. Aussi, déjà étouffée, s'écria-t-elle en joignant les mains. « Oh, ces misérables hommes de ronde, ils n'auront pas veillé. Maintenant, je crierai qu'on ne m'entendrait pas du couvent. Y courir, c'est la laisser, cette malheureuse. Ah, je comprends trop tard pourquoi ce serpent a ainsi prolongé notre promenade. « Horatio !» cria encore une fois Dolorès, en se tenant toujours à distance de la supérieure. « Mon cher Horatio !»« Afal !» répondit une voix mâle et vibrante qui semblait venir du ciel. Cette voix céleste n'était autre que celle du capitaine Horace, donnant le signal à son fidèle sans-plume d'affaler quelque chose. La supérieure et Dolorès, malgré la diversité des émotions dont elles étaient agitées, levèrent simultanément les yeux en entendant le capitaine Horace. Mais rappelons la disposition des lieux pour expliquer le prodige qui allait se manifester au regard des recluses. Deux des plus grosses branches des arbres du boulevard extérieur s'avançaient pour ainsi dire en potence au-dessus et au-delà du chaperon de la muraille du couvent. La nuit était assez claire pour que Dolorès et la supérieure aperçussent bientôt lentement descendre, soutenu par des cordes, un hamac indien dans le fond duquel le capitaine Horace s'était étendu tout en envoyant de la main une grêle de baisers à Dolorès. Lorsque le hamac fut à deux pieds de terre, le capitaine cria d'une voix sonore « Stop !» Le hamac resta immobile. Le capitaine en sauta et dit à la jeune fille « Vite, nous n'avons pas un moment à perdre. Cher Dolorès, montez dans ce hamac et n'ayez pas peur. » « Vous me tuerez plutôt, scélérat !» s'écria la supérieure en se jetant sur la jeune fille qu'elle enlaça de ses bras en criant « Au secours ! Au secours !» À ce moment, on vit au loin, tout au fond du jardin, des lumières aller et venir. « Voilà du monde, enfin !» dit la supérieure en redoublant ses cris. « Au secours ! Au secours !»« Voyons, madame !» dit le capitaine. « Lâchez tout de suite, Dolorès !» Et, employant à regret la force, il dégagea la jeune fille de l'étreinte obstinée de Sœur Prudence qu'il contint tandis que Dolorès s'élançait dans le hamac. Les voyant assises, le capitaine cria « Ohé, hisse !» Et le hamac commença à s'enlever assez rapidement, tant était léger le poids de la jeune fille. Sœur Prudence, furieuse et songeant que le secours qui lui arrivait viendrait trop tard peut-être, car enfin les lumières approchaient, mais étaient encore fort loin, Sœur Prudence redoubla ses cris et voulut se jeter sur le hamac pour le retenir. Mais le capitaine mit familièrement le bras de la supérieure sous le sien et ainsi paralysa tous ses mouvements, quoiqu'elle se débattît pour retirer son bras de cet étau. « Dolorès, dit alors le capitaine à la jeune fille, qui opérait toujours son ascension, « n'ayez pas peur, mon amour. Lorsque vous serez arrivé aux grosses branches, cédez sans crainte au mouvement qui attirera le hamac en dehors du mur. Sans plumet de l'autre côté qui veille à tout. Dites-lui, dès que vous serez à terre, de me jeter la corde à nœud et de la bien tenir au dehors. « Oui, mon Horatio, dit la voix de Dolorès, déjà élevée de 8 à 10 pieds de terre. « Soyez tranquille, notre amour double mon courage. » Et la rieuse, se penchant au dehors du hamac, ajouta gaiement « Bonsoir, sœur Prudence, bonsoir !»« Tu seras damnée, maudite !» s'écria la supérieure. « Mais vous, misérable, vous ne m'échapperez pas » ajouta-t-elle en se cramponnant avec une colère convulsive et désespérée au bras du capitaine. « On approche, vous serez pris !» Déjà, en effet, les lumières devenaient de plus en plus visibles et l'on entendait au loin des cris voilés de gens qui appelaient « Sœur Prudence ! Sœur Prudence !» L'arrivée de ce secours doubla les forces de la supérieure, toujours cramponnée au bras d'Horace. Elle commença d'embrasser assez sérieusement le marin. Il ne pouvait se résoudre à violenter cette femme âgée pour échapper à son étreinte. Cependant, les lumières, les cris s'approchaient de plus en plus, et Sans Plume, occupé sans doute d'assurer la descente de Dolorès de l'autre côté du mur, n'avait pas encore jeté la corde à nœud, seul moyen de fuite du marin. Aussi, voulant à tout prix se débarrasser de la supérieure sans brutalité, le capitaine lui dit « Je vous en prie, madame, lâchez-moi. »« Non, scélérat, au secours, au secours !» Alors pardonnez-moi, car vous m'y forcez. Je vais me livrer avec vous à une valse infernale, à une polka échevelée. Une polka, moi, vous oseriez. Allons, madame, puisqu'il le faut absolument, et en mesure, sur l'air de tralala. Et joignant l'effet aux paroles, le joyeux marin passa le bras qu'il avait de libre autour de la taille osseuse de sœur Prudence, l'enleva, entonna son refrain et commença de la faire pirouetter avec une rapidité si vertigineuse qu'au bout de quelques secondes, étourdie, suffoquée, elle ne prononçait plus que des syllabes entrecoupées. « Oh, secours, misérable, il m'essouffle, non plus au secours !» Et bientôt, brisée par ce tournoiement rapide, sœur Prudence sentit ses jambes faiblir. Le capitaine la vit s'affaisser entre ses bras et n'eut que le temps de la déposer mollement sur le vert gazon, anéantie, sans voix et sans haleine. « Oui !» criait à ce moment Sans Plume de l'autre côté de la muraille, en lançant par-dessus le chaperon une longue corde à nœuds. « Diable, il est temps !» s'écria le capitaine en s'élançant après la corde, car les lumières et les gens n'étaient plus qu'à 50 pas. Les premiers arrivés, armés de fourches ou de fusils, entendirent les cris étouffés de la supérieure, qui, revenue un peu à elle, montrait du geste la muraille en murmurant « Là, il se sauve !» Un des hommes armés d'un fusil, guidé par le geste de la supérieure, aperçut alors le capitaine qui, grâce à son agilité de marin, avait presque atteint la crête de la muraille. L'homme au fusil mit en joue, tira et manqua. « À vous, à vous !» cria-t-il à un autre homme armé comme lui. « Tirez ! Le voilà debout sur le chaperon du mur pour gagner les branches d'arbres !» Un second coup de feu partit au moment où le capitaine Horace, à cheval sur une des branches saillantes en dedans du jardin, s'avançait vers le tronc de l'arbre à l'aide duquel il devait descendre en dehors. À peine le coup de feu était-il tiré, qu'Horace fit un soubresaut, s'arrêta une seconde. Mais il disparut néanmoins au milieu de l'épaisseur des branches. « Courez, courez au dehors !» s'écria sœur Prudence d'une voix encore haletante. « Il sera peut-être encore temps de les arrêter !» Les ordres de la supérieure furent exécutés, mais lorsqu'on arriva sur le boulevard extérieur, Dolorès, le capitaine et Sans Plume avaient disparu. L'on ne trouva que le hamac abandonné à quelques pas de l'espion, qui, toujours enveloppé dans son sac, beuglait sourdement au fond de son fossé.